L'autoroute a été conçue pour pratiquer des vitesses élevées sans excéder 130 km/h. Le fait de circuler à sens unique est un gage de sécurité. Ce qui demeure flagrant pour un motard, à savoir la résistance à l'air qui l'oblige à des efforts physiques, ne l'est pas forcément pour un automobiliste confortablement assis dans un habitacle bardé de confort et de technique. Plus la vitesse augmente, et plus la pénétration dans l'air est difficile, et plus le moteur doit fournir des efforts. Donc la résistance à l'air est le principal facteur de consommation sur autoroute. Bien sûr, si de surcroît le véhicule est chargé, des répercussions se font sentir sur la consommation. Réponse C.